ce silence reste. Dans le couloir, est-ce qu'il se lève? Les fleurs fanées dans l'escalier n'oublieront pas leur abandon. Le geste indigne qui n'a pas de nom. Et pourtant c'est ce que j'ai vu pour être attentif à tes désirs. Acheter tout revendu, même trahir, trahir, trahir. Le temps efface, le passé casse, l'écho des pas que tant j'aimais. Ne rêvera plus désormais, on des soupirs. Des souvenirs, plus imprégnés de ton image. On voit sans cesse ton visage. Retour.